إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence maintenant la troisième partie dans le livre de Cheikh Abdullah al-Bukhari حفظه الله تعالى حق النبي صلى الله عليه وسلم. Et on est arrivé dans le livre الحق الثالث Mahabbatun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafizahullah ta'ala, il dit dans ce livre: Mahabbatun Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Mahabbatun Rasul sallallahu alayhi wa sallam, laysat shi'aran yurfa, wa innama hiya haqiqatun tuttaba. ومنهج يسلك وطريقة يسار عليها فالله أوجب نبي لنبينا عليه الصلاة والسلام حقوقا له علينا تقع في القلب واللسان والجوارح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم واجبات الدين. ويقول: كما أن محبته هي أصل الدين فكذلك كمال الدين يكون بكمالها ونقصه بنقصها. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل العلم رحمهم الله أنها على قسمين: محبة واجبة ومحبة مستحبة. Donc on va traduire ça puis on continue par la suite inshallah. Le Cheikh il explique que l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un slogan qu'on soulève comme ça et qu'on mentionne, mais c'est une réalité qu'on doit suivre, une méthodologie sur laquelle on doit marcher, un chemin qu'on doit emprunter. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait on doit respecter certains droits envers notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces droits-là, eh bien, ils doivent être appliqués de notre part, dans notre cœur, par notre langue et par notre corps. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il explique que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie des plus grandes obligations de la religion. Et il dit également que, et de même que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fondement de la religion, et eh bien le perfectionnement de la religion, il va être complété par le fait qu'on a parfait notre amour pour lui, et la diminution de ce fondement, de notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça diminue la perfection de cette base, de ce fondement aussi. Donc plus tu parfais ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus la perfection de ta religion est complète, et plus ton amour diminue, et bien plus elle est déficiente. Elle est déficiente. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son amour, les ulama ont mentionné qu'elle se divise en deux catégories. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle se divise en deux catégories. Une amour qui est obligatoire, et une amour qui est recommandée. Et là, il va expliquer, maintenant il va élaborer chacune de ces deux catégories-là. Il dit فالأولى درجة المقتصدين والثانية درجة السابقين. Donc la première catégorie qui est l'amour obligatoire, ça c'est le degré de tout musulman qui est pratiquant et qui s'écarte des péchés, qui pratique les obligations et qui s'écarte des péchés. Donc c'est le degré du bon musulman ordinaire. Tandis que le deuxième degré, l'amour qui est recommandé, ça c'est le degré de l'amour de as-sabiqin, c'est-à-dire ceux qui ont devancé les autres dans la foi et dans la piété. Donc c'est un degré supérieur. L'amour qui est recommandé, qui est un degré supérieur de foi. Le cheikh il explique, il dit والأولى تقتضي أن يحب المرء النبي صلى الله عليه وسلم أحب من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين وأن لا يقدم على حبه عليه الصلاة والسلام حب أحد من الخلق أجمعين فلا يحب إلا ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله فليحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليحب ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وليبغض ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وهذه درجة ومحبة المقتصدين وهي الواجبة نعم. Donc le cheikh il explique que le premier degré de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'amour obligatoire, eh bien c'est que la personne aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit plus aimé de sa part que son père, que son enfant et que tous les hommes, tous les hommes qui existent, et il doit donner précédence à son amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'amour de toute autre créature parmi les créatures qui existent. Donc tu dois aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que tout autre être, toute autre créature qui existe. Et donc il dit, et de même que tout ce que tu l'aimes uniquement pour l'amour d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que ton amour doit être en accord avec l'amour d'Allah et de son messager. Donc tu aimes pour Allah et tu aimes pour son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que ton amour pour Allah et ton amour pour son messager, c'est-à-dire que toute personne ou toute chose qui est en agrément avec Allah subhanahu wa ta'ala, et que toute chose que Allah aime, tu l'aimes, hein? Et toute chose que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aime, Et tout ce qui plaît au messager d'Allah, eh bien tu l'aimes, hein, également. Donc l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam fait partie de l'amour d'Allah, hein, ça fait partie d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tu aimes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et tu aimes ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aime. Et ça implique également que tu détestes ce que Allah déteste et que tu détestes ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déteste. Parce que il y a certaines personnes, ils ne parlent que de l'aspect de l'amour et ils ne parlent pas de l'aspect de la haine. Et en réalité, il ne peut pas y avoir d'amour réel sans haine. Donc si quelqu'un prétend qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas aimer ce qui est contraire à ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime en même temps. Comme par exemple, tu ne peux pas aimer Allah subhanahu wa ta'ala puis aimer le shaitan. Hein? Tu ne peux pas aimer l'obéissance à Allah puis en même temps aimer le kufr, le shirk et les péchés, les désobéissances et les innovations, parce que ces deux choses-là sont en opposition. C'est comme si le feu et l'eau, tu ne peux pas les mettre les deux en même temps. Hein? Et donc ça c'est une chose qui est très simple à comprendre en réalité, mais parfois pour certaines personnes c'est très compliqué يعني parce qu'ils ont pas saisi la réalité de ce que signifie d'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala réellement. Et il mentionne le Cheikh comme preuve de ça, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit: tu ne peux pas trouver des gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui aiment ceux qui opposent Allah et son messager. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait dans ce verset-là que ça n'existe pas. Ça veut dire que ça n'existe pas quelqu'un qui croit en Allah et au messager et qui en même temps aime ceux qui opposent Allah et son messager. C'est comme une impossibilité, une contradiction. Yani Allah dit, la tajid, tu ne trouveras pas. Yani c'est comme si ça n'existe pas, ça ne se peut pas. Hein? Et donc ça c'est le degré du musulman qui pratique sa religion, qui fait ce que Allah lui ordonne et qui s'écarte de ce que Allah lui a interdit, sans toutefois faire plus que ça. Al-Muqtasid. Et ça, c'est l'amour obligatoire. C'est-à-dire que c'est le degré obligatoire pour tout musulman, d'avoir ce degré-là. Ensuite, il parle du degré supérieur maintenant. Il dit, « وَأَمَّا مَحَبَّةُ السَّابِقِينَ فَهُوَ أَنْ يُحِبَّ الْمَرْءُ الْمُؤْمِنُ الْمُطِيعُ الْمُتَّبِعُ ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من نوافل الأعمال محبة تامة ويسعى جاهدا في إتمامها وكمالها والإتيان بها على الوجه التام الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc l'amour ceux qui ont devancé et qui ont dépassé tous les autres, leur amour du messager صلى الله عليه وسلم, de ceux qui ont dépassé dans la foi, qui ont été parmi les premiers croyants, qui sont ceux qui sont en avant des autres dans la piété, dans la foi. En quoi ça consiste, ce degré-là? Eh bien, ça consiste à le fait que le croyant qui est obéissant et qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aime Allah subhanahu wa ta'ala, il suit et il aime Allah et son messager dans tout ce qu'il y a d'actes surérogatoires et des actes volontaires que le croyant fait pour se rapprocher encore plus d'Allah après avoir fait ce qui est obligatoire, et qu'il aime ces actes surérogatoires dans la pratique, plus d'un amour total, complet, et il fait tout son effort pour les appliquer et les compléter et les parfaire. Pour compléter et parfaire ces actes d'adoration-là. Et de les faire de la manière la plus complète et de la manière qui a été rapportée de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La manière dont ça a été rapporté de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit ensuite, « وَالنَّاسُ فِي فَهْمِهِمْ لِمَحَبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامِ قسمان أو طرفان ووسط أهل إفراط وأهل تفريط يعني وسط وأهل إفراط وأهل تفريط. Donc il dit que en ce qui concerne la compréhension de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hommes sont divisés en trois catégories. Il y a deux extrêmes, un groupe qui exagère et un groupe qui est dans l'axisme ou dans la négligence, et un groupe qui est dans le juste milieu. D'accord? Et donc, il explique par la suite. Il dit, فَقِسْمٌ قَصَّرُوا فِي تَحْقِيقِ هَذَا الْمَقَامِ فَلَمْ يُرَاعُوا حَقَّ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَمْ يَقُومُوا بِهِ وَلَمْ يُقَدِّمُوا مَحَبَّتَهُ عَلَى مَحَبَّةِ أَنفُسِهِمْ أَوْ عَلَى مَحَبَّةِ أَوْلَادِهِمْ أو على محبة بعض الخلائق، بل منهم من لم يراعي حقوقا أخرى كالتعزير والتوقير والنصرة والاتباع الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام، بل منهم من شطط فسلبه حق الرسالة والعياذ بالله. Donc ça c'est la première catégorie, ceux qui ont été dans le manquement et la négligence vis-à-vis de la compréhension de l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc eux, ils sont dans un extrême, ceux qui ont des manquements et ceux qui ont une déficience dans yani l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux-là, ils n'ont pas donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam son droit. Hein? Ils n'ont pas établi ce droit non plus. Et ils n'ont pas aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que leur propre personne. Et ils n'ont pas aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que leurs enfants ou plus que leurs parents. Ou plus que d'autres parmi les créatures, ou certaines d'entre les créatures. Certaines d'entre ces personnes également n'ont pas respecté ou tenu compte d'autres parmi les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le fait de l'honorer, hein, le devoir de l'honorer, de le respecter, de le défendre, et yani, le fait de le suivre de manière véridique et sincère. Et que même certains sont allés plus loin et qu'ils n'ont même pas établi le droit de ar-risala, c'est-à-dire de la prophétie et du message. Wal-iyadu billah. Donc ça c'est grave. Ils n'ont même pas reconnu son droit en tant que messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le cheikh il explique ça, c'est un extrême. Ensuite il dit qu'il y a un autre extrême, c'est ceux qui ont exagéré dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa qismun balahu fi mahabbati fi al-mahabba fa shara'u umuran lam tarid biha sunnatun wa lam ya'ti biha kitabun wa lam yajri biha 'amalu sahabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa yadhunnu ha'ula aw ula'ik annahum yuhsinuna sun'a. Extrême, ou cette autre catégorie qui est à l'autre extrême opposé de la première qu'on a mentionné, ceux-là, ils n'ont même pas tenu compte, ou bien plutôt, ils ont rapporté des choses, ils ont légiféré des choses dans la religion qui n'ont pas été rapportées dans la sunna. Ils ont fait des innovations, ils ont fait des bid'ah. Et ça rappelle en fait l'exemple de ceux parmi les gens de bid'ah, parmi par exemple les soufis qui exagèrent dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils font des innovations, ils font des choses qui ne sont pas mentionnées dans la sunna, ils font des choses qui ne sont pas mentionnées dans le Coran, des choses que les sahaba n'ont jamais appliquées ou suivies, et ceux-là pensent qu'ils sont en train de faire quelque chose de bien. Ils s'imaginent faire le bien en faisant ça. Donc ça c'est un autre extrême. Et il y en a même qui vont inventer à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam toutes sortes de fausses croyances, des croyances exagérées et extrêmes, et qui vont l'élever à des niveaux de divinité même, ou même qui vont lui offrir des formes d'adoration, qui vont l'adorer en dehors d'Allah, un peu comme les chrétiens ont fait avec Isa alayhi salam. Donc ça c'est des exemples à ce sujet-là. Et le cheikh dit « Wa hadha at-ta'addi min at-tarafayn lahu asbab » ولعل من أهمها أولا الإعراض عن اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام إما لشهوة أو لشبهة والثاني الجهل بكثير من أمور الدين منها حقوقه عليه الصلاة والسلام والثالث اعتقاد بعضهم أن مجرد التصديق كاف في تحقيق المحبة دون بقية الحقوق. Donc le cheikh il a mentionné par la suite trois causes ou trois raisons pour lesquelles ces deux groupes extrêmes, les gens tombent dans ces deux groupes extrêmes ou l'un dans ces deux groupes extrêmes. Ok, donc il dit le fait que des gens transgressent et tombent dans un de ces deux extrêmes, il y a des causes à cela. Et probablement que les plus importantes d'entre ces causes sont les suivantes, et il mentionne trois. La première, le fait de se détourner du suivi du messager et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, soit à cause d'un désir ou d'une passion, ou à cause d'une ambiguïté. Deuxième, l'ignorance de beaucoup de choses qui font partie de la religion. Par exemple, les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens ignorent les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à cause de ça, ils tombent dans un de ces deux extrêmes-là. Et le troisième, la croyance que de la part de certains musulmans s'imaginent que il est suffisant de croire en le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que une fois que tu as cru en lui, c'est suffisant pour réaliser l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans avoir respecté ou établi les autres droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il a expliqué ça, ensuite il mentionne la troisième catégorie parmi les gens qui comment ils se situent vis-à-vis de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est les gens du juste milieu qui sont entre les deux extrêmes, c'est les gens de la sunna. Donc il dit wa amma al-qism al-thalith fa hum alladhina tawassatu bayna at-tarafayn fa salaku at-tariqa al-mardiyya wal-masluka ala as-sawiyya min sahabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa at-tabi'in wa man sar ala minhajihim فهم آمنوا بوجوب المحبة حكما وقاموا بمقتضاها قولا وعملا واعتقادا وبذلوا النفس والنفيس في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته وعلموا أن محبته فوق محبة النفس والوالد والأهل والناس أجمعين وعلموا أنه أولى بهم من أنفسهم ففدوه عليه الصلاة والسلام بأنفسهم وأرواحهم وأموالهم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه قاموا بمقتضى هذه المحبة كما قلنا قولا وعملا واعتقادا من غير إفراط ولا تفريط بحسب استطاعتهم ويعني وممكنتهم نعم ومكنتهم وتمثلوا أن ما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام هو محل تأس واقتداء واقتفاء فلم يتجاوزوا ما أمروا به ونزلوه منزلته التي أنزله الله إياها قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون فكل غلو في حقه عليه الصلاة والسلام فهو ليس من محبته ولو تظاهر الناس بالمحبة بل يجب الابتعاد عنه لأنه مخالف لما أمر به وكل تقصير يجب أن يحلق بإتمام وكمال وأن يبادر إلى تعديل وإتمام لأنه خلل كبير وصاحبه على خطر. Donc le cheikh il explique en ce qui concerne la troisième catégorie des gens par rapport à l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les gens du juste milieu qui ont suivi le chemin et la voie qui est agréée et qui est équilibrée et qui est la voie des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de leurs élèves, des tabi'in, de ceux qui les ont suivis et de ceux qui ont suivi leur méthodologie après eux. Et donc il dit le cheikh ensuite que ce sont ceux qui ont cru en l'obligation au verdict de l'obligation de l'aimer, de son amour, et qui ont établi cet amour et ce qu'elle implique dans leurs paroles, dans leurs actions et dans leurs croyances, et qui ont dépensé pour cela tout ce qu'ils possèdent de plus précieux dans le but de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son amour, et qui ont su que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être au-dessus de notre amour pour notre personne et pour notre enfant, notre famille et tous les hommes. Et ils ont su que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être plus précieuse pour nous que notre propre vie à nous. Et que on devrait être prêt de donner notre vie en rançon pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que de donner notre âme et nos biens en rançon pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 120 dans sourate At-Tawbah, il dit: il n'appartient pas aux habitants de Médine et ceux qui sont autour parmi les bédouins de préférer rester derrière le messager sallallahu alayhi wa sallam, ou de préférer leur propre vie à la sienne, Et il dit ensuite, donc, les gens du juste milieu, ils ont établi les implications de cet amour, comme nous l'avons dit, et ils l'ont établi dans leurs paroles, dans leurs actions et dans leurs croyances, sans tomber dans un extrême ou dans un laxisme, selon leurs capacités. Et donc, il dit ensuite: وَتَمَثَّلُوا أَنَّ مَا أَتَى بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Donc, ils ont mis en exemple, ils ont suivi l'exemple de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené, et c'est pour eux la base sur laquelle c'est le modèle qu'ils suivent, c'est l'exemple qu'ils suivent, c'est un modèle pour eux, et ils ne vont pas dépasser ce qu'il a ordonné, ou ce qu'il leur a donné comme commandement, et ils le mettent ou ils le placent dans le degré et le statut que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. C'est-à-dire, ils ne vont pas exagérer en l'élevant à un degré plus élevé que celui dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis, ils ne vont pas non plus le dénigrer ou le rabaisser à un niveau plus bas. Et comme je disais dans l'introduction du livre, le premier cours, je mentionnais l'exemple des extrêmes chez les gens du livre, comment les chrétiens ont exagéré avec leur prophète Isa alayhi salam, et ils l'ont élevé au niveau d'une divinité. Ils ont fait de lui un dieu qu'ils adorent en dehors d'Allah et auquel ils donnent des attributs divins, et ils sont tombés dans le shirk à ce sujet, vis-à-vis de lui. Et l'exemple des juifs qui, eux, sont tombés dans l'autre extrême de dénigrer et de manquer de respect envers les messagers d'Allah et de les insulter. Il y a l'exemple de Isa alayhi salam, comment ils l'ont accusé d'être un enfant illégitime, ou bien qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de d'autres prophètes également, c'est connu. Donc c'est connu que ces gens-là, ils n'ont pas de respect envers les messagers, et même que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran à leur sujet que plusieurs d'entre les messagers ont été tués par eux, et également tout messager qui venait avec quelque chose qui était en contradiction avec leur désir ou leur passion, eh bien soit il les tuait ou il les démentait, il reniait ce qu'ils amenaient. Donc les musulmans, par rapport aux messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils sont entre ces deux extrêmes, ils ne vont pas exagérer, ils ne vont pas tomber dans le manquement vis-à-vis de ce messager là et le cheikh, il cite à ce sujet le verset 188 dans sourate Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: « Dis ô Muhammad, je ne détiens pour moi-même ni la capacité de profiter en quoi que ce soit à quelqu'un ou de nuire. » C'est-à-dire, je ne peux pas faire de bien à quelqu'un ou de nuire à quelqu'un, excepté ce que Allah a voulu. Et il dit ensuite, Allah lui ordonne de dire ça aux hommes. Il dit: « Et si je connaissais l'invisible, le raïb, j'aurais fait en sorte que j'obtienne beaucoup de biens, l'istakthartu min al-khayr wa ma massani as-su, et aucun mal ne m'aurait touché. » Si tu connais l'avenir, si tu connais le raïb, tu sais tout ce qui va t'arriver dans l'avenir, tu peux faire en sorte que c'est seulement le bien qui te touche, et tout ce qu'il y a de mal, tu fais en sorte de l'éviter. Et donc, si c'était le cas, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, aurait été blessé à la bataille de Uhud? Hein? Et beaucoup d'autres exemples de choses qui sont arrivées au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. S'il connaissait le ghaib, il aurait pu les éviter durant son histoire. Hein? Et faire en sorte que il n'y ait que du bien qui lui arrive et que des choses positives et faciles. Mais c'est pas le cas d'après ce qu'on constate, d'après la révélation et d'après son histoire. Donc c'est la preuve qu'il ne connaissait pas le ghaib. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça même dans le Coran pour établir la preuve contre ceux qui exagèrent à son sujet et qui vont aller jusqu'à prétendre qu'ils connaissaient l'invisible. Parmi les soufis, hein, parmi les turuq soufis, il y a des égarés qui prétendent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam savait tout, comme Allah. Hein? Ils pensent que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent qu'il l'a créé de sa lumière, donc il n'avait pas d'ombre. Quand il marchait sur terre, il n'avait pas d'ombre. Toutes sortes de croyances comme ça qui sont étranges. Ils disent, même certains d'entre eux, ils disent qu'il n'est pas mort, il est encore vivant. Et chaque fois, ils font chaque année, lorsqu'ils célèbrent sa naissance, ils font des fêtes pour sa naissance. Al-Mawlid al-Nabawi, hein, ils font cette innovation, cette bid'a de Al-Mawlid. Puis par la suite, ils vont danser et chanter ensemble dans leur mosquée et faire ce qu'ils appellent Al-Hadra. Hadra, pourquoi ils l'appellent Hadra? Parce qu'ils pensent que Yahdur, ils pensent qu'il est présent, il vient lui-même se présenter au milieu d'eux, pendant qu'ils sont en train de sauter et danser, hein, Allah al-Musta'an, et de faire leur bid'a. Tout ça, c'est des manifestations d'extrémisme et d'exagération que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a condamné, hein, et qui sont refutées par le Coran et par la Sunna. Donc le cheikh il dit, tout extrémisme vis-à-vis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas partie de son amour. Toute exagération et extrémisme vis-à-vis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas partie de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si les gens qui le font essaient de faire paraître que c'est basé sur de l'amour. Cet amour-là, il n'est pas légiféré. C'est-à-dire que c'est un amour qui n'est pas établi ou qui ne respecte pas les limites de la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un amour qui dépasse les limites de la charia d'Allah et de la législation. Et donc, ce n'est pas un amour véritable, islamiquement. Hein? Cet amour-là dépasse les limites de ce qui est permis. Et donc, il est obligatoire pour le croyant de s'en écarter. Car cet amour vient en contradiction avec l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam. On a dit que si tu aimes le messager, tu dois aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il déteste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam déteste les bid'a. Donc comment tu peux faire des bid'a et prétendre que tu aimes le messager alayhi salatu wa sallam? C'est une contradiction. Hein? Sinon, si c'était juste basé sur les émotions, les sentiments, hein? N'importe qui dans ce cas-là peut prétendre n'importe quoi. Hein? Donc, al-awatif, hein? Al-awatif, qu'est-ce qu'on appelle en avant? Les sentiments, les émotions, il y en a qui basent leur religion sur ça. Ils laissent de côté le Coran et la Sunna, ils laissent de côté les textes, et ils se basent juste sur les émotions et les sentiments, et c'est ce qui fait que beaucoup de gens, malheureusement, tombent dans l'extrémisme, ou bien ils tombent dans l'égarement à cause de ça, parce que c'est aveugle, c'est quelque chose qui est aveugle. Hein? Comme les gens disent toujours, l'amour est aveugle. Eh bien, si cet amour-là n'est pas basé sur la révélation, il ne respecte pas les limites de la législation, dans ce cas-là, c'est clair que c'est un amour qui est aveugle, et qui est plus proche de la passion, en réalité, que de l'amour. C'est ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala dans la révélation, il appelle al-hawa. Hein, al-hawa, la passion. Hein? Et c'est ça le danger. C'est ça l'égarement. Le shaykh il dit ensuite, wa kullu taqsirin yajibu an yuhlaqa bi itmamiha. Donc il dit, d'un autre côté, donc l'amour qui dépasse la limite, il faut s'en écarter parce que c'est contraire à son ordre. Et tout, par opposition à ça, toute personne qui a un amour qui est déficient, un amour dans lequel il y a des manquements envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans ses droits, eh bien il doit compenser par le fait d'essayer de faire son possible, de compléter son amour et de le parfaire, de l'améliorer, de le renforcer, de le corriger. Donc s'il y a dans son amour des défaillances ou des fautes ou des manquements ou des faiblesses, eh bien il faut le corriger, parce que sinon la personne en question elle est dans un danger grave, hein, au jour de la résurrection. Ensuite le cheikh il dit wal matlab athani al adilla min as sunnati ala wujub mahabbatihi alayhi salatu wassalam. Donc le deuxième point par rapport à l'amour du prophète sallallahu alayhi wasallam, c'est la mention des preuves qui sont mentionnées dans la sunna sur l'obligation d'aimer le prophète sallallahu alayhi wasallam. Et le cheikh il dit تضافرت الأدلة من السنة مؤكدة على وجوب محبته عليه الصلاة والسلام وأن ذلك من صميم الدين فلا يتم إيمان المرء إلا بتحقيقه بل ويقدمه على النفس والوالد والولد والناس أجمعين فمن ذلك ما خرجه البخاري في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي الآن يا عمر. فهذا نص واضح وبرهان قاطع على وجوب تقديم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على النفس ومن ذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه واللفظ للبخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال الإمام ابن رجب معلقا على هذا الحديث فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلق ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة مرسله. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh il explique ensuite qu'il y a de nombreux hadiths dans la sunna qui confirment l'obligation d'aimer le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم et que cela fait partie du fondement même de la foi. Et donc la foi d'une personne ne peut être complète excepté s'il a réalisé la réalité de cette signification-là et qu'il donne précédence à son amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'amour de sa propre personne ou de son père ou de son enfant ou de tous les hommes sur terre. Et il dit parmi les exemples de ça dans la sunna ce que l'imam al-Bukhari a rapporté de manière authentique de la part de Omar radiallahu anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô messager d'Allah, tu es aimé, tu es préféré, je t'aime plus que toute chose, excepté que moi-même. » Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par celui qui tient mon âme en sa main, tu dois m'aimer jusqu'à ce que je sois plus aimé de toi-même que ta propre personne. » Alors Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit « Ô messager d'Allah, maintenant je jure par Allah que je t'aime plus que j'aime moi-même, hein, que ma propre personne. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ah, maintenant Omar, maintenant tu as compris, hein, maintenant c'est correct. » Et donc ça c'est une preuve claire et explicite, hein, et tranchante au sujet de l'obligation de donner précédence à l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur l'amour de sa propre personne. Donc tu dois préférer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ta propre personne. Et on voit ça dans l'exemple de la vie même des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant avec eux et qu'ils étaient par exemple dans la bataille et que des mouchriquins avaient ciblé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui envoyant des flèches, hein, eh bien les sahaba ils se mettaient entre la flèche ils se mettaient entre la flèche et le messager sallallahu alayhi wa sallam pour empêcher la flèche d'atteindre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'ils étaient prêts à sacrifier leur propre personne pour défendre et protéger la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un exemple de sacrifice et de sincérité dans la foi et dans l'amour que les sahaba avaient pour le messager d'Allah alayhi sallatu wassalam. Et le cheikh il dit ensuite, il dit également que parmi les exemples des preuves des hadiths à ce sujet là il y a le hadith qui est rapporté selon Anas, un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et c'est la narration de Al-Bukhari. Ici il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul d'entre vous n'est croyant ou nul d'entre vous ne sera un vrai croyant jusqu'à ce qu'il ait préféré ou qu'il ait aimé qu'il m'ait aimé moi, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus que son père, plus que son enfant, plus que tous les hommes, hein? Et l'imam Ibn Rajab il a commenté sur ce hadith là et il a dit donc qu'un croyant n'est pas croyant jusqu'à ce qu'il ait donné précédence à l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam sur l'amour de toutes les créatures. Et il dit que l'amour du messager, elle vient, elle suit l'amour de celui qui l'a envoyé. L'amour du messager, elle suit l'amour de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, « وَقَالَ الْحَافِظُ بْنُ حَجَرُ إذا تأمل النفع الحاصل له من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان إما بالمباشرة وإما بالسبب علم أنه سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في النعيم السرمدي وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات فاستحق لذلك أن يكون حظه من محبته أوفر من غيره لأن النفع الذي يثير المحبة حاصل منه أكثر من غيره ولكن الناس يتفاوتون في ذلك بحسب استحضار ذلك والغفلة عنه ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم من هذا المعنى أتم لأن هذا ثمرة المعرفة وهم بها أعلم والله الموفق والله الموفق. Donc le cheikh il dit, Al-Hafiz ibn Hajar il a mentionné dans son livre Fath al-Bari que il dit une chose ici, c'est intéressant, yani c'est vraiment un sens vraiment profond en fait quand on comprend bien qu'est-ce que le cheikh il explique, c'est yani vous allez voir. Le cheikh il dit, lorsqu'on médite sur le bienfait qu'on obtient de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est celui qui t'a fait sortir des ténèbres de la mécréance vers la lumière de la foi, soit directement ou par une cause, eh bien tu sais, hein, qu'il est la cause du fait que tu vas demeurer éternellement dans les délices éternels. C'est-à-dire que c'est lui la cause, si tu rentres au paradis, c'est lui une des causes par lesquelles tu rentres au paradis. Donc, est-ce que ça c'est pas le plus grand bienfait possible? Hein? Bien sûr que oui. Et donc il dit, et donc on peut savoir que le bienfait, hein, qui vient de cela est plus grand que tous les bienfaits réunis. Et donc il mérite à cause de cela la plus grande part, hein, de notre amour que toutes les autres créatures. Parce que le bien, hein, qui vient, il dit, لأن النفع الذي يثير المحبة حاصل منه أكثر من غيره. Donc le bien de son amour, ou bien le bien de qu'est-ce qu'il a fait pour nous, il attire notre amour plus que n'importe quelle autre personne. Mais cela a des degrés différents selon la personne. Selon la personne, par rapport au fait qu'elle se souvient, qu'elle se rappelle de ça, ou qu'elle soit dans l'insouciance et dans l'indifférence. Donc tu vois que les gens, par exemple, parmi les hommes, il y en a qui sont conscients de ça et qui s'en rappellent constamment et qui sont reconnaissants vis-à-vis de ce bienfait, tandis qu'il y en a parmi les musulmans qui sont insouciants ou indifférents et qui ne donnent pas une part de d'importance assez grande à cette réalité-là. Et donc il dit qu'il n'y a pas de doute que les sahaba ont, eux, compris et complété cette signification-là de la manière la plus complète parmi nous. Et c'est pour ça que on voit le fruit de cette connaissance-là qu'ils avaient par leurs actions. Tandis que nous, aujourd'hui, quand on regarde, on vit à une époque qui nous sépare du prophète sallallahu alayhi wa sallam par des siècles. Il n'est pas parmi nous maintenant. Il n'est pas sur terre avec nous. Et donc, à cause de ça, disons qu'on est séparé par des siècles et des siècles. Et les sahaba, eux, vivaient avec lui tous les jours, constamment. Ils étaient témoins de la révélation, témoins de son adoration, témoins de ses efforts, témoins du sacrifice. Ils ont vécu avec lui. Donc, c'est normal également que leur connaissance et leur foi étaient beaucoup plus élevées, beaucoup plus fortes que toute personne qui peut venir après eux. Et donc, plus les gens, en même temps, par rapport à ce que Al-Hafiz ibn Hajar il dit ici, plus les gens sont en contact avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien plus ils ont justement conscience de cette importance-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dans leur vie, puisqu'ils sont toujours en train de lire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lire sur sa vie, sur ses paroles, sur ses actions. Et donc, les gens qui ont la plus grande part de cette réalité parmi les hommes aujourd'hui et à toutes les époques, c'est les gens du hadith, c'est les gens de la sunna, puisque c'est eux qui sont en contact permanent avec le hadith, et même dans leur maison ils citent le hadith et ils lisent le hadith et ils disent à chaque jour qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et à chaque fois dans leur maison c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils mentionnent le hadith à leurs enfants, et ils mentionnent le hadith à leurs épouses, et ils mentionnent le hadith à leurs amis, et ils mentionnent le hadith à leurs parents. Et c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant encore pour eux tout le temps, parce qu'à chaque fois ils parlent du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'ils mentionnent son nom ils disent sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est eux qui ont la plus grande part. Et surtout s'ils mettent en application sa sunna et qu'ils font revivre sa sunna et qu'ils combattent la bid'a. Personne ne peut, à cause de ça, les dépasser. Et ceux qui ont la plus grande part parmi les gens du hadith sont bien entendu les ulama de la sunna, les ulama du hadith, et ceux qui sont les défenseurs de la aqidah des salaf, c'est eux qui ont la plus grande part de cet aspect-là. Et c'est pour ça donc qu'ils sont, c'est pas pour rien qu'ils sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils méritent à cause de ça une grande part aussi d'amour de notre part, puisque ils sont ceux qui nous font connaître le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui sont le lien entre nous et lui, parce que contrairement aux sahaba, on n'a pas vécu avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a besoin de gens entre nous et lui pour nous transmettre son enseignement et ses messages. Et donc ça c'est par l'intermédiaire des imams d'Ahl Sunnah qui ont transmis la Sunnah génération après génération, siècle après siècle, qui ont travaillé pour la préserver, pour la transmettre et faire en sorte qu'elle soit préservée de toute déformation ou falsification ou autre. Et ils ont sacrifié leur vie entière pour défendre la Sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça c'est pour comprendre en fait le degré des gens par rapport à l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par rapport à la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ça c'est des degrés comme des montagnes. Il y en a qui sont des montagnes, il y en a d'autres qui sont plus faibles dans ça. Il y en a chacun selon l'effort qu'il fait, chacun selon sa foi. Et le cheikh il dit ensuite, wa akhraja muslimun fi sahih min hadith abi hurayra radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala man ashadda ummati li hubban ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله بمعنى يفديه عليه الصلاة والسلام بأهله وماله. L'imam muslim il a rapporté un hadith qui est rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les gens de ma ummah, il y en a qui ont la plus grande amour pour moi. Et ils vont être après moi. Ils vont vivre après moi. Parmi les gens de ma umma, il y a des gens qui après moi auront le plus grand amour pour moi. Ils aimeraient pouvoir me voir. Et s'ils pourraient donner leur famille et leur richesse pour y arriver, ils le feraient. Donc le cheikh il dit c'est ça, ils donneraient en échange pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur propre famille et leur propre argent. Et le cheikh il dit فهذه الدلائل الظاهرة والأدلة البينة كلها تفيد وجوب تقديم النبي صلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب إنفاذها على النفس والوالد والولد والناس أجمعين وأن ذلك من أعظم مظاهر محبته وأدل علاماته فمن علامات محبته عليه الصلاة والسلام تمني رؤيته والشوق إلى لقائه عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الحديث قريبا. يصف البراء بن عازب رضي الله عنه فرح أهل المدينة بمقدم الحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم إليهم بقوله فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أي من علامات محبته اتباعه واقتفاء أثره والسير على سنته كما مر تفصيلا. وكذلك من علامات محبته محبة من أحبهم النبي عليه الصلاة والسلام من أزواجه الطاهرات وآل بيته الطاهرين، فإن ذلك من أصول أهل السنة والجماعة. Donc le cheikh il dit, et donc celles-ci sont des preuves apparente et claire, et toutes ces preuves que nous avons mentionnées elles établissent le sens de l'obligation de donner précédence à l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'obligation d'exécuter cet amour sur soi-même et de l'aimer plus que soi-même, nos enfants, nos parents, nos enfants et tous les hommes, et que cela est un des signes les plus apparents de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le cheikh que parmi les signes de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que l'amour elle doit avoir des signes qui en découlent, parmi les signes de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les signes que tu l'aimes, tu dois trouver ces signes là en toi-même. Demande-toi, est-ce que moi j'ai des signes de ça? Il dit le cheikh de souhaiter voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir un grand envie de le rencontrer. Comme nous l'avons mentionné dans le hadith précédent. Donc tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, t'aimerais pouvoir le voir, t'aimerais pouvoir le rencontrer. Ça c'est un signe que tu l'aimes. Et il a été rapporté par Al-Bara ibn Azib que les gens de Médine, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il a dit, j'ai jamais vu les gens de Médine aussi réjouis que la joie qu'ils ont ressentie par la venue du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils ont entendu parler du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne l'avaient jamais vu encore. Mais lorsqu'il est arrivé parmi eux et qu'ils l'ont vu, la joie qu'ils ont ressentie, c'était la plus grande joie possible. Hein? Parmi les signes de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il y a le fait de suivre sa sunna, de suivre ses exemples, de suivre sa sunna, comme nous l'avons mentionné en détail déjà. Et parmi les signes de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a aussi d'aimer ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimés, et d'aimer ses épouses pures, les mères des croyants, et d'aimer également les gens de sa famille, ses proches, Ahlul Bayt. Pas comme les Shia Rafida, qui vont jusqu'à les adorer en dehors d'Allah et à les prendre comme des divinités et à leur offrir des du'as et à leur faire des sacrifices et à faire le tawaf autour de leur tombe et à les appeler au secours dans les moments de détresse et à croire qu'ils connaissent le raïb. Ça c'est du rouleau, ça n'a rien à voir avec l'amour, mais de les aimer et de les respecter à cause du lien qu'ils ont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi parce qu'ils sont des mu'minines, parce qu'ils sont des croyants. Et ça fait partie des fondements de la croyance de Ahl al-Sunnati wal Jama'a. Et le cheikh il termine, il mentionne une citation de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, puis on va terminer avec ce qu'il mentionne ici après un ou deux petits hadiths, puis on va s'arrêter inshallah. Le cheikh dit wa qala Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah mu'addidan usul ahl as-sunnati wal jama'ah annahum yuhibbuna ahl bayt rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa yatawallawnahum wa yahfazuna fihim wasiyata rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est qu'est-ce que Cheikh al-Islam il mentionne, il dit que parmi les choses qui font partie des fondements de l'Ahl-Sunnati wal-Jama'a, c'est qu'ils aiment les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils les aiment et ils les défendent et ils préservent à leur sujet le testament du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a enjoint à leur sujet avant sa mort sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de les respecter et de les aimer, de les honorer et ainsi de suite, et de ne pas les dénigrer ou de ne pas les rabaisser. Et ومن ذلك محبة أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين, également parmi cela l'exemple de l'amour des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aimait ses compagnons, et ça c'est encore une fois qu'est-ce qui vient réfuter les rafidah, Shia Rafida, parce que eux ils détestent les Sahaba, ils les insultent et ils font de l'insulte des Sahaba une part même de leur religion. Donc celui qui déteste les Sahaba c'est pas un musulman. Donc le Cheikh il explique qu'il faut les aimer parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les aimait, et il y a des hadiths à ce sujet là et on va terminer avec la mention de ces trois hadiths. Il dit premièrement, il dit قال عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار متفق عليه من حديث أنس وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. Donc ça c'est les trois hadiths que le cheikh il a mentionné à ce sujet là. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Anas radiyallahu anhu que le signe de la foi, c'est d'aimer les Ansar. Et le signe du Nifaq, c'est de détester les Ansar. Donc ça c'est un exemple qui fait partie de l'amour des Sahaba. Le deuxième hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs hommes sont ma génération, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Donc ça c'est la preuve, une autre preuve également. Et l'autre hadith qu'il a cité, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'insultez pas mes sahaba, hein, n'insultez pas mes compagnons, car si l'un d'entre vous donnait une quantité d'or équivalente à la montagne de Uhud, eh bien ça n'aurait même pas la valeur de la moitié, une poignée de main ou la moitié en sadaqa. C'est-à-dire, si le sahabi donnait une poignée de main en sadaqa, ou la moitié d'une poignée de main en sadaqa, hein? Eh bien, ça, yani, toi tu donnes la montagne de Uhud, ça n'aurait même pas été équivalent à la poignée de main que le sahabi il donne en sadaqa. Pourquoi? Parce que la valeur de l'action des sahaba a beaucoup plus de valeur, beaucoup plus d'importance que les actions que tous ceux qui viennent après eux peuvent faire, à cause de leur mérite, à cause de leur sacrifice, à cause de yani, tous les degrés qu'ils ont dans la foi et dans la religion d'Allah. Leurs actions, même si l'un d'entre nous était capable de faire 10 fois ou plus même qu'est-ce qu'un sahabi peut faire, il n'aurait même pas rien de la proportion de ce que les sahabas reçoivent comme récompense, parce que les sahaba, les sacrifices qu'ils ont fait, c'est ça ce qui a fait en sorte que l'islam se propage par la suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith que si on prenait la foi de Abu Bakr et qu'on la mettait dans une balance, et qu'on prenait la foi du reste de la Ummah et qu'on la mettait dans l'autre côté de la balance, la foi de Abu Bakr radiallahu anhu serait plus pesante et plus lourde que la foi de toute la Ummah. Hein? Pourquoi? Parce que Abu Bakr radiallahu anhu, c'était un des premiers parmi les musulmans. C'est lui qui a sacrifié de ses biens et de sa personne pour défendre l'islam et protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam et aider l'islam. Tout ce qui est venu par la suite, c'est, ça rentre dans ses hasanat à lui. Hein? Donc qu'est-ce que vous pouvez penser? Qu'est-ce que vous pouvez espérer? Hein? Donc il faut comprendre le mérite d'un sahabi, c'est pas comparable à quiconque après qui peut venir. Hein? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera bi'idhnillah demain, inshallah. Peut-être qu'on a encore besoin de 2 autres cours pour terminer cette risale au complet, parce que le haqq rabi est un peu plus long, donc probablement que ça va prendre 2 cours. On va voir demain, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.